Et je me dis, voici qu'on va juger quelqu'un. Cette ombre, des forfaits, c'est le gouffre commun. Ce feu, c'est la clarté de la face du juge. Et j'eus peur.